Ah, te voilà, Lisette. Qu'avez-vous, monsieur? Vous me paraissez ému. Non, ce n'est rien. Je disais un mot à Bourguignon. Il est triste. Est-ce que vous le querelliez? Monsieur m'apprend qu'il vous aime, Lisette. Ce n'est pas ma faute. Et me défend de vous aimer. Il me défend donc de vous paraître aimable. Je ne saurais empêcher qu'il ne t'aime, belle Lisette, mais je ne veux pas qu'il te le dise. Ne me le dis plus. Ne fais que me le répéter. Du moins, ne te le répétera-t-il pas quand je serai présent. Retirez-vous, Bourguignon. J'attends qu'elle me l'ordonne. Encore? Il dit qu'il attend. Ayez donc patience. Avez-vous de l'inclination pour monsieur? Quoi? De l'amour? Oh, je crois qu'il ne sera pas nécessaire qu'on me le défende. Ne me trompez-vous pas. En vérité, je joue ici un joli personnage. Qu'il sorte donc. À qui est-ce que je parle? À Bourguignon, voilà tout. Eh bien, qu'il s'en aille. Je souffre. Cédez, puisqu'il se fâche. Vous ne demandez peut-être pas mieux. Allons, finissons! Vous ne m'aviez pas dit cet amour-là, Lisette.